dans la zone du dehors, il dépeint une dystopie politique, une société cloisonnée, une démocratie totalitaire, où tous les citoyens se contrôlent mutuellement. Dans La Horde du Contrevent, le Dune français, selon la critique, et oui, il nous plonge dans un univers poétique balayé par les vents. Il se définit lui-même comme un philosophe raté, et produit une science-fiction inclassable, unique, teintée d'accents révolutionnaires, l'occasion rêvée de faire un état des lieux politique et poétique de la science-fiction. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons Alain Damasio, dernier grand témoin de l'année. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Alain Damasio. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va pas refaire tout de suite votre CV, dire simplement peut-être que vous travaillez en ce moment depuis quelques temps déjà. Hein. Vous nous direz d'ailleurs où vous en êtes sur un nouveau projet de roman qui s'intitule Les Furtifs. Le deuxième chapitre a d'ailleurs été publié début octobre dans le magazine Les Inrecuptibles. Les Furtifs, alors voici le résumé que vous en faites. C'est une société de contrôle horizontal où tout le monde contrôle tout le monde via les réseaux sociaux. Dans ce monde-là, le seul mode de résistance possible et la furtivité, ou comment trouver des blind spots, des endroits aveugles, hein, des endroits où l'on n'est pas géolocalisé, où la traçabilité est impossible. Donc en fait, Les Furtifs, c'est juste le portrait du monde occidental en 2016. Oui, c'est l'anticipation à courte vue, c'est-à-dire 2030, 2040, alors que j'avais, dans mon premier roman, La Zone dehors, était plutôt vers 2084. Plus on vieillit, plus on raccourcit, parce que plus on a envie de traiter les enjeux du présent. Et je trouve que la science-fiction est parfaite pour essayer de montrer comment certains paradigmes technologiques sont précieux pour repenser notre rapport au monde, notre rapport à l'autre, et puis aussi notre rapport à soi-même. Et donc là, sur les furtifs, je reviens à ce thème central de la société de contrôle qu'avait posé Deleuze dès 91. Mais on est passé depuis 91 à une société de traces, carrément. C'est-à-dire que le numérique a étendu ça à une sorte de transparence digitale presque parfaite. Et du coup, dans ce monde-là, existent des créatures qui ont la faculté de se loger dans l'angle mort de la vision humaine. Les blind spots. Des blind spots, à la fois numériques d'ailleurs et concrets, parce qu'ils sont par exemple dans cette salle, ils sont logés là partout où on regarde pas. Partout, l'optique humaine a pas la faculté de se porter. Donc c'est l'antipanoptique par excellence. Mm-hmm. Quoi. C'est mon rêve un peu, mon idéal dans une société qui est de plus en plus lumineuse et translucide, d'arriver à poser ces types d'animaux. Quoi. Donc c'est du fantastique, ouais. C'est du RAL fantastique, j'appelle ça, parce que c'est des conditions fantastiques dans un monde très, très réel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, la liberté, elle est justement dans la dissimulation, dans la possibilité d'échapper au regard. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, je pense, vraiment dans l'anonymat, je pense qu'il y a une volonté de pacifier nos sociétés. Moi, je dis toujours, en fait, faut essayer d'opacifier, retrouver une sorte de blind spot, de zone autonome temporaire qu'on arrive à se forger et dans lequel on arrive à se loger, et d'être dans cette position magnifique qui est la position du go-between, quoi, d'être logé entre les différents régimes de pouvoir et pouvoir effectivement dilater ces interstices pour créer, quoi, voilà, pour se créer des possibilités de vie et des modes de vie qui soient beaux, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Alain Damasio. Vous dites finalement, quand on vieillit, la science-fiction se rétrécit. Ça veut dire que c'est plus difficile aujourd'hui de se projeter plus loin. Le temps s'est raccourci, nous a contraint la création. Ouais, il y a un raccourcissement lié, bon, c'est vrai, à l'accélération technologique, mais qui est pas si massif que ça. On dit toujours que ça accélère beaucoup, mais en réalité, les vrais chocs paradigmatiques au niveau de la techno sont relativement modestes. Quand tu vois en robotique, par exemple, il y a très peu d'évolutions. Les évolutions sont pour moi très peu impressionnantes. Si on regarde par rapport à ce que définissait Asimov en 1950, etc., on est très loin de ce qu'on avait espéré. Par contre, le choc des réseaux, c'est à l'arrivée des réseaux en 95, à la fois au niveau Internet et puis au niveau téléphonique. Là, il s'est passé quelque chose de très fort qui fait que le temps d'assimiler l'impact sociologique et politique de cette innovation-là sur notre monde, c'est plus la peine d'anticiper très loin. On peut très vite mettre en place des questionnements et éthiques et politiques très forts à partir de juste de ce qui arrive à 5-10 ans, quoi. Donc, pour prendre un exemple très simple, moi, je crois beaucoup à l'arrivée de ce qu'ils appellent les intelligences artificielles personnalisées, mm-hmm. ou les assistants personnels qui seront présents dans notre smartphone avec lesquels on dialoguera en langage naturel. Et bientôt dans les ordinateurs portables. Ouais, dans les ordinateurs portables, sur les téléphones. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment, bon, ils ont beaucoup développé ce qu'ils appellent les chatbots, c'est-à-dire ces robots de conversation avec qui c'est extrêmement facile d'échanger. Ces robots-là, en plus, prélèveront la totalité de nos traces, donc ils seront au courant d'absolument tous les sites qu'on visite, des achats qu'on a fait, des likes qu'on a produits, de notre réseau d'amis avec qui on échange le plus par mail, etc. Il y aura une capacité de ces robots à être coprésents à la totalité de notre vie, finalement, éveillés. Et du coup, on aura tendance à développer un rapport très personnel, très intime, très projeté, un peu comme dans le film Her de Spike Jonze, quoi. C'est-à-dire, et pas forcément érotique, ça peut être, moi j'imagine très bien des IA personnalisées auquel on fera jouer le rôle d'un père assez disciplinant, d'une mère protectrice, d'un pote avec qui on peut plaisanter. Ce sera pas forcément des projections érotiques, mais ce qui est sûr, c'est que on développera une sorte de rapport un peu animiste avec ces IA. C'est-à-dire que cette pensée qu'on a tous, et dès l'enfance, c'est-à-dire d'attribuer une sorte d'intentionnalité, d'âme à l'inerte, va devenir, à mon avis, généralisée, comme ça l'est déjà au Japon, mais même en Occident, parce qu'à partir du moment où t'as au niveau vocal notamment, où t'as des voix qui sont magnifiques, qui sont très très bien reproduites aujourd'hui et qui singent extrêmement bien la voix humaine, où tu peux vraiment dialoguer en langage naturel, c'est très facile de basculer dans l'idée que la personne qui te parle, enfin que l'IA qui te parle, et donc ça m'intéresse beaucoup ça, parce que voilà, c'est des alter ego émotionnels qui vont totalement ensuite pervertir ou filtrer les rapports qu'on a avec notre copine, avec notre mère, avec notre frère, puisqu'on aura en face de nous quelqu'un qui se comportera la façon la plus douce, la plus soumise, la plus soft avec nous, et on aura beaucoup de mal à intégrer l'étrangeté, à intégrer l'altérité, parce que elle sera au contraire filtré vers nous. Donc on sera dans une sorte de techno-cocon comme ça Donc ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que la science-fiction a vraiment un intérêt quand elle aborde ces enjeux-là, ces enjeux psycho-sociologiques, comment la technologie altère ça. Ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est pas besoin d'aller très loin. C'est-à-dire que ça, quand tu vois, sur l'iPhone c'est Siri, sur Amazon c'est Alexia. Enfin, c'est toujours des prénoms féminins comme ça. Donc ils sont tous en train de bosser là-dessus, et en plus ils considèrent que c'est la convergence machinique. Moi je l'appelle MUM dans mon livre, c'est My Unique Machine, ça s'appelle. Et c'est Google qui prend un coup d'avance là-dessus. Quand vous déclariez, Alain Damasio, dans une interview, les auteurs de science-fiction ont une responsabilité historique importante. C'est une interview récente, parce que leur art implique de percevoir intuitivement ce qui se passe au travers de micro-détails et de lire un certain nombre de choses politiquement, sociologiquement, psychanalytiquement, afin de traverser le réel. Ça veut dire que pour vous, la science-fiction contemporaine, elle a perdu sa faculté à alerter, à prévoir, à mettre en garde, elle s'est dépolitisée. Elle s'est pas dépolitisée. C'est très étonnant d'ailleurs en France à quel point les trois quarts de la science-fiction française est très politique aujourd'hui. Et même extrêmement à gauche. On a très peu, à ma connaissance, même il n'y en a aucun écrivain de science-fiction d'extrême droite. Il y en a aux États-Unis, mais en France, on a cette chance, on échappe à ça. Donc ça reste très politisé. Les États-Unis, il y en a quelques-uns. Ah ouais, aux États-Unis, Dan Simmons, il est très très à droite. Ce qui est toujours surprenant pour moi, parce que pour moi, comme c'est quand même l'art, c'est peut-être un des gens les plus libres, les plus libérés et les plus ouverts qui soient. Ça me paraît toujours difficile de ramener ça sur des enjeux identitaires ou historiques. Je trouve qu'au contraire, on est dans le vaste, on est dans l'ouvert, et ça me paraît complètement naturel que les auteurs de SF se tournent vers un tropisme à gauche comme ça. En France, on a une science-fiction que j'appelle soft science fiction, c'est-à-dire c'est une science-fiction de science molle, c'est-à-dire liée vraiment aux sciences humaines type philo, avec une inspiration philo forte, sociologique forte, psycho forte aussi. Et c'est une chance, moi je trouve, parce qu'elle permet d'interroger vraiment l'état de la société. Donc c'est extrêmement positif, il me semble. Et c'est pour ça que c'est une science-fiction qui doit être lue et qui n'est pas assez lue, à mon avis. Ouais. Et donc, il y a une responsabilité historique, mais le rôle d'alerte est toujours là, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, moi si je travaille sur les IA personnalisées et que j'essaye de montrer ce qui va se passer à 10-15 ans, il y a vraiment un rôle d'alerte. C'est en disant, attention, ça sera beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil et beaucoup plus addictif que tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui en termes d'interface, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on arrive sur des interfaces qui, effectivement, où la projection animiste ou la projection affective va être maximisée. Serge Tisseron, on a parlé, on a fait un livre. vivre le jour où les robots m'aimeront, etc. Il sent bien aussi ces choses-là, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une dynamique affective qui va se porter pour réanimer les machines. On reparlera un peu de la SF et du panorama de la SF actuelle et du regard que vous avez sur certains des auteurs actuels. Mais pour revenir un peu en arrière, je le disais dans la présentation de cette émission tout à l'heure, Alain Damasio, vos modèles à vous ne sont pas tellement d'ailleurs à aller chercher du côté de la science-fiction, mais plutôt de la philosophie. Vous vous décrivez vous-même comme un philosophe raté. Je vous cite, hein, les philosophes, c'est le parfum. Moi, je ne suis que de l'eau de toilette. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu la sensation que j'ai eue. Moi, j'avais été frappé une fois par un interview comme ça de David Lynch qui disait qu'il était un peintre raté. Moi, j'adore Lynch comme beaucoup de gens et je suis absolument fasciné par Mulholland Drive, par exemple, et d'autres films qu'il a réalisés. Et c'est clair que souvent, dans les lignes comme ça artistiques, quand vous interrogez d'autres auteurs, etc., ils vous disent toujours, moi, je voulais être peintre, moi, je voulais être politicien, moi, je voulais... Et c'est à partir de ce ratage que on importe dans notre art des choses qui nous portent. Et moi, j'adore la philosophie. Je trouve que c'est effectivement d'une densité, d'une richesse et d'une ampleur telle qu'il suffit de lire un livre de philo et tu effectivement t'en fais un roman. Moi, je sais que l'Ordre du Contrevent, par exemple, est énormément inspiré de Deleuze et Guattari, de Mille plateaux de Deleuze et Guattari. C'est quasiment, des fois, je le dis en rigolant, mais c'est quasiment une novélisation de ce livre-là de philo parce qu'il y a tellement de choses à en tirer. Il y a une telle densité qu'il suffit de prendre une goutte. Et puis ensuite, en la diluant dans un récit, dans une narration, auprès de personnages, tu arrives à avoir un roman qui a beaucoup de force, quoi. Donc ça, c'est vrai. Et ça reste ma source principale, effectivement, d'inspiration. Redites-nous en un mot, la Horde du Contrevent, pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas encore eu la chance de le lire. Et oui, c'est ces livres dont on envie les gens qui le commencent quand on l'a terminé, parce que redécouvrir la Horde du Contrevent, je le dis tout à fait personnellement, c'est, vous avez une expérience de lecture très, très, très, très forte et très intense et assez unique, je veux dire. Oui, la Horde du Contrevent, c'est un livre, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un livre univers, c'est-à-dire qui est fondé autour d'un seul élément, c'est fondé autour du vent. C'est une planète où un vent permanent extrêmement, extrêmement féroce rince la surface de la planète. Et on a un groupe qui est formé dès l'enfance à remonter le vent, qui s'appelle la Horde du Contrevent. Ils sont 23, chacun avec une compétence spécifique. Et leur quête, c'est d'essayer de remonter le vent jusqu'à sa source, jusqu'à son origine. Et donc, c'est toute une ontologie autour du vent, parce que le vent est extérieur et est une forme à combattre. Mais il est aussi intérieur, puisque les aides sont constituées d'un vif qui est un nœud de vent comme ça intérieur à chacun et qui constitue l'élément le plus vital, le plus décisif d'une personnalité. Donc c'est autour de ce travail-là, mais ça part effectivement de Deleuze, de l'idée de mouvement, de l'idée que le mouvement est premier, que la substance n'est pas du tout prioritaire, mais c'est d'abord le mouvement et que tout ce qui est matière n'est qu'un ralentissement ou une coagulation du vent et que la matière se définit par ces ralentissements-là et ces coagulations. Donc c'est toute une réflexion autour du mouvement comme force primitive. Ouais. Vous n'êtes pas sensible du tout à la science-fiction et au mouvement et au courant très philosophique ou politique de la SF des années 60. Je disais dans l'introduction qu'on compare la Horde du Contrevent aux Dunes français, Dunes de Frank Herbert. On en a fait une émission ici dans la méthode scientifique. C'est un roman politique, philosophique, écologiste qui balaie vraiment tout d'un terrain d'idées très très vaste. Vous êtes pas sensible à cette littérature-là ? Si, mais c'est vrai que j'aurais toujours tendance à aller chercher plutôt quelque chose d'extrêmement sobre et puissant. La force d'un concept, c'est que le concept, il va traverser énormément de réalités. À partir du moment où vous le prenez, si vous partez de cette idée toute simple de dire, voilà, le mouvement est premier et l'être n'est qu'une coagulation, un ralentissement de ce mouvement fondamental, tu peux ouvrir un champ absolument colossal, à la fois en termes de faune, de flore, de personnages, de créatures fantastiques, d'architecture, d'aérodynamique, d'énergie, etc. Donc tout ton univers va pouvoir être remonté, reconstruit à partir d'une idée, d'un cœur concept de départ qui est suffisamment puissant. Comme quand j'avais travaillé en jeu vidéo, j'avais travaillé sur Remember Me, c'était pareil. J'étais parti d'une idée toute simple de dire que chaque instant vécu par un être humain peut être enregistré dans son évrac cervical et que donc que la mémoire peut être digitalisée. Et donc, si elle est digitalisée, elle peut être portée dans un autre corps et vécue par un autre corps et un autre cerveau. Et qu'à partir de ce moment-là, on ouvre toute une économie de la mémoire, de la vente de souvenirs, de l'achat, du piratage de souvenirs, de la manipulation des cerveaux, etc. Ça part pareil d'un seul concept, quoi. C'est-à-dire, et après, bon, bah, tu déploies et le plaisir, c'est déployer, c'est de rendre réel, c'est de réifier tout ça dans un monde, quoi. Voilà. Donc, partir de, voilà, si je partais de Dune ou de partir de choses qui sont déjà déployées, c'est moins, Il n'y a pas la jouissance du démiurge. Hein. On est en science-fiction, mais les démiurges, on adore ça. On adore créer des mondes, quoi. Donc, c'est quand même l'immense bonheur quand tu écris une nouvelle ou un roman, c'est que tu vois le monde se déplier à mesure de l'écriture, quoi. C'est-à-dire que chaque paragraphe que tu écris, t'as l'impression, si tu veux, que t'es comme sur un plateau et que ce plateau se dilate, s'allonge, se prolonge et que l'univers s'agrandit au fur et à mesure que tu poses les mots dessus. Mmh. Et ça, c'est un immense bonheur que j'aurais absolument pas en littérature blanche ou si je faisais du polar parce que voilà, il y a une dilatation de l'univers à mesure de l'écriture. Et ça, c'est un plaisir qui est difficile à expliquer quand on l'a pas, quand on l'a pas éprouvé, mais c'est ça l'immense plaisir de la science-fiction. Ouais. Et donc, c'est plus le concept est dense et forme. Moi, je dis toujours, il y a un petit côté bombe atomique, il y a un petit côté, voilà, c'est-à-dire qu'on fait éclater quelque chose. Au début, c'est qu'un point de lumière et tout d'un coup, ça se dilate, ça couvre des distances colossales. Et à la fin, vous avez un livre et le livre, effectivement, couvre un univers très, très vaste, quoi. Donc, c'est ça qui est beau, ouais. On entend que, donc, à l'origine de la Horde, il y a cette idée de mouvement que vous empruntez à Deleuze et Guattari. Quel est le point de départ qui vous amène, quel est le nœud, le point de lumière, comme vous venez de décrire, qui vous amène à la zone du dehors? Là, c'était vraiment votre premier roman publié. Là, c'était le choc était très très clair, très simple. C'était vraiment ce tout petit texte qui reste extraordinaire, qui s'appelle Postscriptum aux sociétés de contrôle de Gilles Deleuze, qui était sorti dans l'autre journal à l'époque. C'est, je crois, 91. Ouais. Et je tombe sur ce texte qui est pareil, extrêmement extrêmement court, extrêmement dense. Je crois qu'il y a même pas 5 pages. Où il dit voilà, on a longtemps vécu en régime féodal, et Foucault l'a parfaitement montré, etc. Tout le Moyen Âge et tout. Après, on arrive, on va dire 18e siècle, 19e siècle, et la civilisation industrielle se déploie, et on rentre dans ce fameux régime disciplinaire, superbement décrit dans Surveiller et Punir par Foucault, c'est-à-dire un régime où effectivement c'est un pouvoir anatomopolitique ou qui s'exerce en milieu fermé, sur lequel on demande au corps d'agir en un temps donné, sur une temporalité et un rythme cadencé, etc. Et sur lequel le pouvoir est vertical, s'exerce de haut en bas, etc. Et on est resté longtemps bloqué là-dedans jusqu'en 45, 60, et pour moi 68 est le basculement de où on commence à rentrer dans un nouveau type de régime. Et Deleuze, tout d'un coup, me percute. Moi, j'avais 20 ans et me percute avec ce texte en me disant, mais ta lutte contre les médias, ta lutte contre la police, ta lutte contre l'armée, que t'as quand t'as, quand t'as 20 ans et que tu essaies de t'opposer à un régime disciplinaire, à une sorte d'oppression comme ça, que tu crois situé dans ces vecteurs-là. Elle est à côté de la plaque. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est un pouvoir de contrôle, c'est un pouvoir beaucoup plus horizontal, beaucoup plus sournois, beaucoup plus insidieux. Il est plus virulent, comme disait Baudrillard, c'est-à-dire qu'on est tous à le relayer, on est tous acteurs de ce pouvoir, et c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est un pouvoir qui est beaucoup plus démocratique, finalement. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'en désengluer, d'y échapper, c'est beaucoup difficile de trouver un dehors à ce type de pouvoir-là parce qu'on est tous immergés à l'intérieur, c'est comme une lymphe qui irrigue un peu tout, quoi. Donc, et ça, voilà. Donc la zone dehors naît de ça. La zone dehors, c'était mon espèce de rêve de dire, il y a eu le 84. 84, c'est le roman parfait et extraordinaire des sociétés disciplinaires et de l'aboutissement des dictatures. Et moi, j'avais cette espèce d'orgueil complètement débile. Mais il faut être fou et il faut être débile quand on écrit, sinon on n'y arrive pas. Qui était de dire, je vais essayer de faire le 84, mais des régimes de contrôle. Et c'est d'ailleurs un 84, puisque la zone du dehors se passe en 2084, et on entend bien que dans la zone du contrôle, ce qui vous intéresse, c'est l'information, la circulation de l'information et son contrôle. Écoutez. Il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire, ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait, puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. L'information, c'est le système du contrôle. Gilles Deleuze, c'était en 87, hein, dans sa conférence à la FEMIS, dans le cadre dans une conférence intitulée « Qu'est-ce que l'acte de création ?» C'est, en entendant ça, je me suis dit « C'est la zone du dehors ». Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est, ça fait partie des, pour moi, des grands textes fondateurs. Je l'ai à la fois écouté et lu parce qu'on trouve le texte aussi sur le net. Ça fait partie, d'ailleurs, des moments qui sont repris dans la zone. Et... Redites-nous, Alain Damasio, en un mot pour les auditeurs, pareil, qui n'ont pas lu la zone dehors. Oui, bien sûr. À peu près de quoi? La zone dehors, ça se passe donc effectivement en 2084. C'est sur un satellite de Saturne. On est vraiment, là, pour le coup, dans du space opéra classique au départ. La Terre, donc, c'est entretuée sur une troisième guerre mondiale, et une partie donc des populations est venue s'installer, il y a à peu près 7 millions de personnes, dans une ville nouvelle entièrement constituée qui s'appelle Cerclon, qui est une ville qui a cette particularité d'être fait de 7 cercles comme ça emboîtés, et au centre de chaque cercle, c'est-à-dire que les immeubles sont bâtis en gradin. Au centre de chaque cercle, il y a une tour du citoyen démocrate dans laquelle n'importe qui peut entrer et à partir de laquelle on peut voir dans n'importe quel logement et surveiller n'importe quelle rue, square, et rentrer même à l'intérieur des appartements. Et donc, c'est l'histoire d'un groupe révolutionnaire, que j'appelle volutionnaire dans ce monde-là, parce qu'il essaie de pas être justement arc-bouté à une révolte, au sens où la révolte, ça appartient encore au régime disciplinaire, mais à une volte. C'est-à-dire un mouvement qui va essayer de réhabiliter, de libérer les forces de vie partout où on les emprisonne, les édulcore, les atermoie, les délave. Voilà, parce que je pense que ce qu'on peut reprocher à notre système, c'est pas du tout d'être dictatorial, mais d'être dévitalisant. Et c'est une tentative de ce groupe-là, de la vol, de conscientiser, comme dans les années 70, de conscientiser le peuple et en tout cas les gens, et d'essayer de les. Et à la fin, ils arrivent effectivement à sortir de la ville, à développer des communautés libres dans la zone du dehors, justement, c'est-à-dire à l'extérieur, où il n'y a pas d'air, où il faut créer son propre air. Et c'est cette notion qui est assez passionnante, hein, de démocratie totalitaire, cet oxymore que vous décrivez. Encore, je vais citer la zone du dehors, tout le monde est devenu un peu flic, les mômes, les parents, les amis, les amants, notre démocratie, peut-être qu'elle est réussie en cela, tout le monde est un peu flic, il n'y a plus de monopole réel du flicage, mais tout le monde si modestement, si petitement, que personne n'est vraiment à abattre, mais personne ne sent vraiment bon non plus. Là encore, hein, on est en 99, Alain Damasio, la surveillance généralisée, quotidienne, de tout un chacun à travers les réseaux sociaux, la géolocalisation, le portable, on y est. On y est dans la zone du dedans. Non, mais c'est totalement fou, parce que j'ai sorti justement un petit livre qui s'appelle Dehors toute chose pour reparler 20 ans après de tout ce que j'avais raté dans l'anticipation justement de la zone du dehors. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce régime de contrôle que j'essayais de mettre en place, de définir, je l'arc-boute encore dans la zone du dehors, aux caméras, à la surveillance biométrique, à un peu les colis électroniques, etc. Mais j'anticipe absolument pas qu'il va être auto-endossé, ce contrôle, par le smartphone, qui va être un outil effectivement de géolocalisation et d'auto-localisation parfait, et qu'il va être en plus avec un taux de pénétration de 98-99% aujourd'hui, et tout ça au nom de petites commodités, au nom d'usages facilitants, au nom d'une fluidité de nos modes de vie. Et c'est extraordinaire parce qu'on assume et on auto applique à nous-mêmes ce contrôle. Vous l'appelez d'ailleurs le portable l'onoto, l'objet nomade totalitaire. Et vous écrivez, hein, justement dans ce Le dehors de toute chose, qui est publié aux éditions La Volte, vous écrivez: comment ai-je pu rater nom de Zeus au moment même où il naissait en 1995 l'objet nomade totalitaire, pas plus grand qu'une main qui allait devenir le cœur du contrôle portable. Comment ai-je pu rater le rectangle de toutes les convergences, tout à la fois caméra embarquée et micro activable de notre insu, et espion et compte pas, bracelet électronique pour prisonniers en permission éternelle et livre ouvert multimédia sur nos vies intérieures, piratable par qui veut, puce de tracking en temps réel et signal géolocalisé. Bref, le monitoring parfait, précis, continu et connecté d'une existence individuelle rendue accessible aux pouvoirs étatiques et commerciaux. Ouais, totalement. Et ce qui est marrant, c'est que il y a toujours, au niveau effectivement étatique et commercial, des gens qui peuvent récupérer et qui peuvent data miner et orpailler ces informations, à la fois à titre massifiant et statistique, et à la fois à titre individuel quand on a besoin de fliquer une personne dans la masse, quoi. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que je trouve que ce contrôle a pris une dimension réellement fractale, c'est-à-dire que l'agent de la NSA qui va étudier ou surveiller tel ou tel candidat terroriste potentiel ne fait pas autre chose que le mari qui jette un œil dans le journal d'appel de sa femme pour voir un peu les numéros qu'on peut appeler, ou le père qui va se faire ami sur Facebook pour aller voir ce que sa fille fait et publie comme image, ou le candidat à tel poste qui va googliser son futur patron pour voir qui il est, ou le futur patron qui demande à un hacker d'aller sur Facebook parce qu'ils font ça et de regarder le Facebook des futurs candidats. C'est vrai qu'il y a tout un contrôle comme ça, horizontal, croisé, réciproque, un intra-contrôle, un inter-contrôle qui s'est mis en place et sur lequel qui peut se prétendre en dehors de ce système-là, qui peut se prétendre ne jamais appliquer ou ne jamais vouloir avoir cette espèce de petite maîtrise, cette espèce de petite régulation de l'incertitude qu'on a quand on obtient une information sur quelqu'un de façon asynchrone, asymétrique, quoi. Parce que c'est ça, on est sur ces systèmes qu'avait décrit Foucault sur la tour panoptique, c'est-à-dire qu'on obtient une information asymétrique sur quelqu'un. Sur la tour panoptique, c'était on voyait quelqu'un qui ne pouvait pas nous voir, qui savait pas même s'il était vu. Et aujourd'hui, on peut prélever des informations sur des gens qui ne sont pas au courant qu'on leur a prélevé cette information-là. Et cette asymétrie-là est effectivement un outil de pouvoir tout à fait particulier, tout à fait fin, tout à fait insidieux, et on est tous acteurs de ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment effectivement. C'est la prison volontaire, la prison sans barrière, la prison dans laquelle on entre volontairement. Et puis une envie, une envie aussi de. C'est vraiment, c'est pour ça que le terme contrôle, je trouve très très bon et très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas forcément négatif le contrôle au sens où c'est aussi par rapport à notre environnement humain, environnement social, environnement professionnel, qu'on a envie d'avoir un petit surcroît de maîtrise. Tout va tellement vite, tout est tellement en mouvement, tout est tellement difficile à réassumer, que si on a des outils qui viennent nous aider à prendre un petit peu de vision, un petit peu de pouvoir, un petit peu de sur ces mondes-là, ben on est tout prêt à les utiliser, quoi. Donc on conjure une forme de peur, mais cette peur, elle fait qu'un avec l'incertitude, elle fait qu'un avec la liberté, parce que la liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté d'un proche? C'est le fait qu'on ne sait absolument pas ce qu'il va faire, c'est qu'il est imprévisible pour nous, quoi. Et cette imprévisibilité, c'est la beauté de l'être humain, quoi. Et on essaye de conjurer au maximum cet aspect-là, et tous les modèles prédictifs aujourd'hui comportementaux, parce qu'on vend, et c'est ce que vend Google, Facebook, etc., ce que vendent les GAFA, tout leur grille du nouveau capitalisme cognitif est fondée sur leur paillage de ces données et donc sur la prédictibilité des comportements, quoi. Comment conduire les conduites, c'était le terme de Foucault qui était très beau, comment conduire les conduites de nos futurs consommateurs ou de nos consommateurs présents à partir de l'ensemble des actes qu'ils ont déjà produits. Et le miracle, et ça aussi c'est des choses que j'avais pas vues dans la zone, et c'est génial, ces points aveugles, c'est sur la rétine, c'est blind spot. Ouais, c'est blind spot. On y revient. C'est-à-dire ce que j'avais pas vu, et c'est des choses que décrit très très bien une fille comme Antoinette Rouvroy, une philosophe justement belge qui analyse beaucoup la gouvernance algorithmique, ou ce que décrit très bien le comité invisible aussi dans leur dernier bouquin à nos amis, c'est de dire que c'est un système qui a besoin de la liberté des gens, qui a besoin que les gens librement aillent sur tel ou tel site, que librement envoient tel ou tel mail, que librement échangent avec leurs amis. On a besoin de cette liberté-là pour pouvoir ensuite analyser, data miner, big data, tout ça, et pouvoir prédire le comportement qui va ensuite en résulter. Si on obligeait les gens à faire ceci ou cela au préalable, on pourrait pas savoir vers quoi vont les désirs des gens, vers quoi vont leurs goûts, etc. Là, on laisse les goûts s'exprimer, on laisse les désirs se remplir, et une fois qu'on a compris ces désirs, on bâtit des modèles prédictifs, quoi. Donc c'est étonnant, parce que c'est un système qui utilise la liberté humaine, quoi. C'est pas un système qui la préempte au départ, mais il l'utilise. Et on saute au piège, finalement. Donc, c'est assez neuf, effectivement. Quand même. Et dans ce système-là, le rôle de la science-fiction, aujourd'hui, c'est précisément d'être un instrument révolutionnaire. Oui, moi, je pense que la science-fiction l'a beaucoup été déjà dans les années 70, même quand tu lis K. Dick, etc., et même les auteurs de SF actuels, tu prends... On peut parler de Spinrad, hein. Ouais, on peut parler de Spinrad, on peut parler aujourd'hui de Léo Henry, de Norbert Merjanian, de Stéphane Beauverger, David Calvo, enfin, des gens, on a un collectif qui s'appelle le collectif Zanzibar, à partir de tous à Zanzibar, d'ailleurs, de John Brunner, qu'on a mis en place, ou des gens comme Catherine Dufour. Aujourd'hui, c'est des gens qui essayent de bâtir, effectivement, des modèles soit utopiques, soit dystopiques, soit des modèles révolutionnaires, et ces gens-là, et moi, j'en fais partie, on considère qu'on a un rôle effectivement révolutionnaire, surtout à un moment donné où la vague technologique ayant été tellement forte, on n'a pas pu l'anticiper, elle a déferlé sur nous, on n'a pas eu le temps de construire des modèles éducatifs, même des modèles critiques. Aujourd'hui, bon, il y a une critique de jeux vidéo, mais qui est beaucoup sur le public reportage, mais elle est encore extrêmement faible, extrêmement modeste. Or, pour moi, un des premiers devoirs que je me vois, moi, en tant que parent, j'ai deux filles de 6 et 9 ans, c'est d'éduquer mes filles à jouer aux bons jeux vidéo. Pas dire le jeu vidéo c'est de la merde, pas du tout. Les jeux vidéo sont, il y a des jeux vidéo extraordinaires qui développent des capacités cognitives fantastiques en termes de création, d'imagination, d'invention d'univers, en termes de mémorisation, de spatialisation, etc. Mais ces jeux-là, il faut les connaître, il faut être capable d'analyser un gameplay, il faut être capable de repérer une boule, j'ai envie de dire une boucle neuronale addictive et fermante d'une boucle neuronale qui va être ouverte et qui va permettre aux gamins de déployer beaucoup de choses et même de se cultiver. Et ça, nous parents, nous professeurs, on n'a pas l'habitude d'avoir un apprentissage et un enseignement intelligent du jeu vidéo. Tu vois, rien que ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret, il y a une vérité simple, sobre, crue, quoi. Un truc. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Isola, l'île, quoi. Tu crées ton île et tu l'évases au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme l'univers, quoi. L'énorme puissance d'univers, quoi. Faut que Caracol, il existe en toi complètement, que Ertov Stroknis, il soit toi, quoi, que Piedro de la Roca, tu le deviennes. Et la goutte aussi, tout l'univers et tout le vent, que tu vives complètement là-dedans, quoi. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut, quoi. Faut que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. Et que tu fasses aucune concession sur le reste, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est... Voilà, la voix qu'on entend, c'est celle d'Alain Damasio, qui est notre dernier grand témoin de la semaine et avec qui nous passons 7 heures pour parler de son rapport au monde, de son rapport aux sciences, aux technologies, à la modernité, à la science-fiction tout au long de 7 heures. Ce qu'on entend, c'est la musique de Ron avec votre voix, hein, Alain Damasio. Votre voix enregistrée dans quel contexte? Racontez-nous un peu l'histoire de ce morceau. C'est l'histoire de fou. En fait, c'était l'époque où j'écrivais la Horde du Contrevent. Donc, pour écrire ce livre, je me suis isolé 3 ans en Corse. J'étais dans le Cap Corse, à tout petit village de Nonza, et j'étais au milieu du maquis. Et la solitude était quand même assez massive, parce que je partais souvent 15 jours, 3 semaines tout seul, et puis je revenais 10 jours à Paris, me gaver de relations sociales. Et donc, je m'enregistrais parfois sur dictaphone. Et là, j'étais en train de relire La Zone du Dehors, parce qu'on devait ressortir le livre, et je lisais un passage, et je commentais de façon complètement solitaire le chapitre, et en même temps j'essayais de m'encourager un peu comme un entraîneur de foot qui essaie de je m'auto coachais et et c'était des cassettes comme ça qui traînaient chez moi, et j'avais et ces cassettes sont arrivées dans les mains de d'Erwan, qui à l'époque avait 19 ans et faisait Erwan d'ailleurs Ron, un film sur La Zone du Dehors avec un ami qui s'appelait Ludo, et il travaillait sur la Zone du Dehors mais comme film, et il faisait la 3D. Et parallèlement, il était dans une cave et de temps en temps, il faisait la musique. Et puis, il avait un morceau qu'il adorait, qui était bras vocal, et il savait pas quoi mettre, il disait, il manque quelque chose. Et il tombe sur la cassette, et puis il prend le bout, et puis il me dit, est-ce que ça te gêne? Je disais ça, je lui dis, non, mais c'est ce que tu veux, mais je trouve ça aucun intérêt, quoi. Il le prend, il le met, et puis en fait, et c'est comme ça qu'il a convaincu, in fine, son label de sortir son disque, et puis sa carrière a démarré avec ce morceau, en fait. Donc c'est une belle histoire, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend ce que vous décrivez, hein, ce discours qui s'adresse à vous-même, un peu à la bannière, effectivement, d'un coach sportif. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de vous invectiver vous-même, de... Ouais. Quand tu écris, déjà, pour moi, la littérature, c'est quelque chose d'extrêmement oral, d'extrêmement physique. Donc, j'ai tendance à relire, dès que je fais un paragraphe, une dizaine de lignes, je le relis, je me le verbalise, je me le gueule et je l'écoute. Ça, donc, on a la chance de par rapport à Flaubert, c'est qu'on peut enregistrer en plus. Donc, on peut réécouter en étant bien au calme et bien entendre l'écoulement de la syntaxe et voir si justement rythmiquement ça passe, si c'est percussif, si c'est mou, ou c'est que ça ralentit, ou c'est que ça s'en spirale, ou c'est que ça coagule trop. Et du coup, je faisais ça aussi parfois pour m'encourager, parce que il y a plein de mamans où faut savoir qu'en écriture, on sort tout de soi-même, hein, c'est vraiment un art quand même absolument solitaire. Pour avoir bossé en scénario et sur des arts beaucoup plus collectifs, je sais que c'est beaucoup plus facile quand on brainstorm à plusieurs, ou même quand on faisait de la musique ce matin avec Ron. C'est voilà, il y a la dynamique de l'autre qui nous porte, et quand on est seul, il y a pas cette dynamique. C'est-à-dire qu'à des moments, il faut s'auto secouer, quoi. Il faut passer un courant électrique en soi, et parfois c'est en créant un alter ego, c'est en devenant un peu schizophrène, et en s'invectivant qu'on arrive à ça, quoi. Donc moi je le fais assez régulièrement. Je m'insulte beaucoup, c'est une constante. Dès que je suis mou, dès que j'arrive pas à sortir des choses intéressantes, je suis beaucoup dans l'insulte, et l'insulte vide de l'énergie importante. un rôle de catharsis et après ça me ressource quoi. Donc vous dites qu'il vous faut 2 heures pour écrire un paragraphe de 10 lignes, c'est toujours vrai ça? C'est moins vrai, c'est-à-dire que je vais écrire beaucoup plus vite, mais après je vais prendre beaucoup de temps à reprendre. Donc c'est j'ai beaucoup plus de temps de maturation en amont et un temps d'écriture plus rapide aujourd'hui. Et je fais plus confiance au jet, et le rapport au jet a changé. Mais je suis aussi encore un grand correcteur, c'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler sur la syntaxe, sur très souvent je percute la phrase, je l'inverse, là je retourne, je l'essaye dans plusieurs sens pour surtout pour vraiment essayer au niveau du rythme d'écoulement de sentir ce qui est le plus proche de la sensation. J'aime que la syntaxe épouse que le mouvement de la syntaxe épouse la sensation. Mmh. Et c'est pas tellement le choix du mot exact. On parle beaucoup du mot exact, choisir le bon mot, etc. Je trouve que c'est pas vraiment l'enjeu. Ce qui est important, c'est que le mouvement soit juste, quoi. Et le mouvement encore. Le mouvement, ouais. Mais vraiment le mouvement de la syntaxe. C'est-à-dire qu'il y a des syntaxes qui tombent droit. Pour moi, c'est vraiment comme l'écoulement d'une rivière. Il y a des moments où, voilà, la phrase arrive, se répartit, se dilate sur une vasque. Elle est assez lente. Elle reste un peu statique comme ça. Puis tout d'un coup, il y a une cascade. Ça se remet à accélérer, à dynamiter tout. Parfois on est sous une espèce de trame tourbillonnaire comme ça qui revient, qui recule et c'est important de se dire bon, est-ce que c'est le mouvement de la sensation, est-ce que c'est le mouvement du concept, est-ce que ce que je suis en train d'expliquer est bien véhiculé par ce mouvement de syntaxe, quoi. Voilà, ça c'est un point super important dans l'écriture. Après il y a évidemment les dimensions physiques des voyelles, des consonnes, de la dynamique physique, mais la syntaxe ça reste vraiment je trouve très important. Il y a une autre, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la politique, de votre rapport politique à l'écriture, de votre rapport politique à la narration, à la société, et il serait pas complet de parler de votre travail sans parler de la poétique également. Vous avez notamment un penchant très très net et très marqué pour le néologisme. Ouais, c'est vrai. Ça va, la composition de ces néologismes, on parlait tout à l'heure de Noto pour l'objet nomade totalitaire. Ouais, mais c'est naturel. C'est l'agrégation de mots souvent, vos néologismes. Ouais, hein. Ouais, c'est ouais, des mots qui s'emboîtent. Qui s'emboîtent, et j'aime bien que ça soit quand même très fluide. J'aime bien que ça paraisse être un terme facilement utilisable, facilement accaparable par les personnages. Mais je trouve qu'en science-fiction, on peut pas se permettre de prétendre bâtir un univers si on n'a pas les bons néologismes. C'est-à-dire si on bâtit pas les mots exacts, le vocabulaire exact, qui sera celui celui du futur sur tel ou tel aspect, quoi. Donc c'est, ouais. Ça s'essaye pareil, vous les essayez à l'oral, vous. Ouais. Comment c'est très long. Là, par exemple, j'ai un énorme problème sur le néologisme lié à ce que je parlais des intelligences artificielles personnalisées. Donc, j'avais démarré en disant, par exemple, je vais les appeler les MIA parce que c'est mon intelligence artificielle. MIA, je trouvais ça intéressant, etc. Mais après, ça m'allait pas. Après, je suis parti sur MUM, justement, My Unique Machine, en me disant, c'est des MUM et tout, mais ça n'allait pas non plus. Après, je suis parti sur les alias, tu vois, avec un long acronyme comme ça, sur, et je suis pas content aujourd'hui. Je sais que j'ai pas le terme. C'est-à-dire que je me dis, ça va devenir un phénomène sociétal généralisé. Comment on va les appeler? Comment naturellement on va les appeler? Qu'est-ce qui va rester, quoi, tu vois? Et je suis pas convaincu, j'ai pas encore le bon terme et ça m'énerve. Tant que je l'ai pas, je sais que j'ai pas ma réalité. Et par contre, quand je trouve le mot, je sais que ça y est, c'est en place et que ça va. Donc là, je l'ai pas et je suis très agacé. J'ai épuisé pas mal de mots déjà dessus. Et c'est marrant, ouais, c'est intéressant. Tant que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas votre réalité. Ouais, la réalité n'existe pas. Ouais, je trouve que la réalité n'existe pas vraiment. Par exemple, dans la zone du dehors, il y avait un moment donné, il y avait beaucoup de jeux en réalité virtuelle, justement, avec un taux immersif très important. Et le jour où j'ai trouvé la vertu, c'est-à-dire je me suis dit voilà, c'est la vertu, c'était très proche du mot vertu. J'aimais beaucoup cette idée, quoi, quelque chose qui est presque de l'ordre éthique. Quand je suis rentré dans la vertu, je me suis dit ça y est, j'ai ce que je veux, j'ai ce que je veux, quelque chose, une sorte de lettre de noblesse sur ce type de réalité. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on dit encore la VR, c'est-à-dire qu'on est sur un acronyme assez pauvre et eh bien, ça viendra. Il y a un moment donné où va gérer un terme qui va devenir le terme hégémonique. Et le but, c'est d'essayer de l'anticiper, ce terme, ou de trouver le bon terme. Vous écriviez « L'écriture, c'est de la percussion. Or, je suis comme les peintres qui s'éloignent du figuratif. Je préfère de plus en plus le signifiant au signifié, la sonorité à l'exactitude sémantique. » On a entendu « percussion », c'est un mot que vous avez utilisé plusieurs fois depuis le début. Ouais, parce que, par exemple, en français, c'est... On a cette magie d'avoir ce qu'on appelle les plosives sourdes, c'est-à-dire ces consonnes qui sur lesquelles la colonne d'air remonte comme ça dans la glotte, la glotte se ferme et tout d'un coup s'ouvre et la consonne explose. Et en français, c'est la série Potocke, quoi. Et d'ailleurs, quand on voit des comédiens répéter, ils font Potocke, Potocke, Bodegue, Potocke, Bodegue. Et par exemple, quand tu prends le mot impact, dans le mot impact, tu as les trois, quoi. Tu as le P, le que et le te en termes de d'en percuter, tu l'as aussi, quoi. Tu vois, et c'est pas un hasard. Donc c'est-à-dire que effectivement, il y a une physique du langage, il y a une évidence de cette physique, surtout quand tu parles, qui fait que si tu dis percuter, tu t'auras pas du tout la même sensation que si tu dis mamelon, ou si tu dis, voilà, ou même laminé, tu vois, même si c'est un mot fort, etc. Laminé, bah, je suis désolé, c'est une liquide, c'est le L, et c'est deux nasales, le M et le N. Et du coup, on est sur quelque chose qui, même si le terme en lui-même, dans le signifié, et peut être très, très brutal, va pas du tout avoir la même impact que le mot comme impact, effectivement, comme percuter, comme bloc, comme voilà, c'est et même si vous, par exemple, si on décale très légèrement la série Pottecker en série Bodegus, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est une explosion, mais une explosion amortie, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite masse d'air qui passe, qui fait qu'il y a un rebond beaucoup plus fort, bah vous êtes sur Gambadé, vous êtes sur Bodega, vous êtes sur des choses qui rebondissent beaucoup plus, quoi. Tu vois, il y a une sorte de rebond, il y a une sorte d'élasticité dans la percussion qu'on n'a pas sur la série Pottecker, qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus froide. Et du coup, quand on sait ça, bah voilà, comme Kandinsky qui travaillait sur ses rouges, ses gris, etc., qui essayait de redéfinir toute sa grammaire et toute sa puissance physique à partir des couleurs. Nous, notre médium, et ben c'est les sonorités, c'est la phonétique, c'est les phonèmes de base. On a 18 consonnes en français, on a 16 voyelles. Les gens ne savent pas parce qu'on en a perdu beaucoup malheureusement à l'oral. Mais E c'est une voyelle, mais on c'est une voyelle, mais en c'est une voyelle. Et ces voyelles nasales qui sont très sombres. D'ailleurs, en français, le on et le en qui sont les deux voyelles les plus sombres, les plus arrière-gauches, les plus étouffantes. Quand tu veux ralentir une phrase, quand tu veux la plomber, quand tu veux l'assombrir, elles sont parfaites, quoi. Tu vois, tu peux pas faire quelque chose de lumineux avec un on, quoi. C'est tout de suite, notamment tous les adverbes français, c'est une catastrophe quand t'écris, parce que tous les adverbes français terminant par en, tu peux les utiliser que comme un vecteur, si tu veux, de plombage et d'obscurcissement. Et parfois, on aimerait bien, heureusement qu'il y a vite, il y a quelques adverbes comme ça, un peu lumineux, mais on a très peu de, donc faut se servir de la langue, avec ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que, à partir du moment où on utilise ce médium, il y a une poésie naturelle et instinctive à retrouver. Quoi. Vous avez du mal ou c'est facile pour vous de nommer vos personnages, de créer leur nom ? C'est long, mais c'est ce que j'adore faire. Ouais. Non, par exemple sur la Horde, j'ai mis un temps fou à nommer Golgoth, à nommer Caracol, à nommer Sov. Sov, je savais que j'étais sur, par exemple, je voulais être sur des sifflantes et des vraiment des frigatives, c'est-à-dire que c'est voilà, la colonne d'air, elle frotte sur la glotte, donc on sent l'effet de souffle. Donc j'étais sur Sov, je voulais quelque chose qui reste là-dessus. Par contre sur Golgoth, je voulais justement ce robot, cette percussion avec des voyelles assez sombres, et que la finale avec le T qui vient claquer, la finale soit assez brutale. Donc Golgoth, ça permettait d'attaquer assez fort, quoi. Donc voilà, ouais, je passe du temps, mais bon, c'est le plaisir, ça c'est vraiment le plaisir, parce que c'est là que ça définit la physique du perso, ouais. Que ce soit les technologies du virtuel ou les manifestations du cyberespace ou les nanotechnologies, on est dans un contexte absolument inédit, inouï et assez bouleversant. Le cyberespace est bel et bien le lieu d'émergence, c'est le lieu de l'imprévisibilité, par définition. La culture de l'internaute est une culture qui le prédispose à cette espèce de surfing généralisé. Et quand on parle de surfing, on désigne à la fois l'aventure, la découverte, l'impondérable. Et le cyberespace, c'est la polarisation de communautés qui tout à coup se retrouvent, vont se déliter, vont se reconstruire ailleurs. Et tout ça, c'est le nouvel infini dont parlait autrefois Nietzsche, à sa manière. Vous êtes un lieu de passage. Et ça, c'est évidemment bouleversant. Et à mon avis, ça risque d'induire des comportements, des manières de penser tout à fait inédites. Voilà la voix du philosophe Jean-Michel Beignet, extrait issu de la base du CNRS Images, un extrait du film Émergence d'un nouveau monde qui date de 2006. Je voulais vous soumettre cette archive, ouais, pour avoir votre réaction. J'aime bien Beignet, j'ai cru que c'était Stiegler à un moment donné, mais ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il dit, ça fait quoi à ce que dit Deleuze, c'est-à-dire que quand Deleuze parle du surf, il dit voilà les nouveaux types de sport, et on le voit sur les hommes volants aussi, sur le parapente, sur le surf, sur il dit c'est de forme insertion dans une onde préexistante, quoi, insertion sur une onde préexistante. Et contrairement au lancer de marteau ou de javelot ou tous ces sports qui avant demandaient un effort centré sur l'être humain et qui et c'est extrêmement moderne, extrêmement même postmoderne, ça, c'est-à-dire que on vit dans un monde où effectivement l'onde préexiste et l'onde elle est digitale, elle est lumineuse. On s'inscrit dans un monde très océanique, et celui du réseau, du web, de cet internet dans lequel maintenant on est né, en tout cas les générations qui arrivent sont nées entièrement, sont digital natives. Et par rapport à ça, je trouve qu'il y a des comportements même cognitifs qui sont de l'ordre de du surf, c'est-à-dire qu'on a tendance à rentrer dans la viralité, à reproduire des mèmes, à prolonger ou à surfer sur des idées ou sur des tendances qui nous préexistent, quoi. Et c'est très jouissif. C'est très jouissif. Il y a un vrai plaisir à le faire. Et en même temps, je trouve que c'est très dangereux au sens où, à un moment donné, on perd cette faculté à générer de nous-mêmes, ex nihilo, quelque chose qui nous appartient. C'est très difficile d'être réellement singulier et original dans un monde où tout préexiste avant, où toute la vague informative est derrière nous, nous préexiste, toute la vague de savoir et de connaissance est derrière nous. Et nous, on est là à surfer cette vague, quoi. Je trouve que des fois, moi, ça me donne le sentiment d'aller très vite vers des idées très intéressantes. Et il y a des moments, j'ai l'impression de juste reproduire, de juste surfer la vague. Et je me dis, qu'est-ce qu'une idée réellement originale? Qu'est-ce qu'une idée singulière, absolue, quoi? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Même on parle des néologistes, des fois, ça m'arrive de rentrer les néologistes que j'ai créés sur le web pour voir s'il existe, quoi. Je me souviens d'une fois où j'étais très fier de moi parce que j'avais trouvé le terme errorisme, quoi. C'est-à-dire, je me disais, l'avenir est pas au terrorisme sanglant, mais à l'errorisme. C'est-à-dire que c'est la faculté à créer le bug dans le système, c'est la faculté à créer cette espèce de grain de sable qui va faire que le système tout d'un coup s'arrête et ouvre justement des plages de liberté. Et hop, j'étais sur ce mot erroriste, j'étais très fier, et puis j'ai vu qu'il existait une internationale erroriste, que déjà ça existait depuis un bout de temps, et que, évidemment, j'avais rien inventé, même si c'était pas du tout dans le sens où, donc t'es à la fois, t'es content, tu te dis bon, ben voilà, il y a d'autres gens y ont pensé, c'est peut-être pas si nul, mais en même temps, c'est toujours un peu frustrant, donc ça arrive vraiment très rarement d'avoir un élogiste qui est très singulier. C'est arrivé récemment, j'en avais un, mais je sais plus le quoi, où je me suis dit, ah tiens, quand même, celui-là, il est encore relativement intact. Ouais. Je voulais interroger un peu, vous dites, sur votre rapport aujourd'hui à la science, vous dites, Alain Damasieux, que vous vérifiez longuement vos intuitions auprès des scientifiques, c'est-à-dire? Ouais, alors longuement, je dirais pas longuement, mais j'ai c'est vous bien... l'avez dit, hein, c'est une phrase, ah ouais, que je sors, phrase, ouais, c'est bien, j'étais enthousiaste ce jour-là. non, j'aime bien discuter avec les scientifiques. Là, j'ai croisé un neurologue récemment, une neurologue. J'aime bien pouvoir avoir un retour exact et habité de gens qui travaillent dans le domaine. Voilà. Après, j'aime bien aussi m'en abstraire. C'est-à-dire que j'aime bien me dire bon ben ok, je vais au-delà de ça, et puis je considère que mon imaginaire est plus important que la crédibilité scientifique de ce que j'ai mis en place. C'est-à-dire que si j'ai une idée qui est pas très crédible scientifiquement, mais que je trouve très riche d'un point de vue justement politique ou réflexion éthique, je vais quand même la pousser. Je vais aller au bout de cette idée. Ouais. Vous êtes pour rester dans le présent, vous vous décrivez comme si je vous dis un héros sobre et pâle avec un grain de folie, un héros de fiction dans un monde réel, Edward Snowden. Ouais. Sur Snowden, ouais. Moi, ce qui m'a fasciné, par exemple, sur Snowden, c'est cette espèce de physiquement d'anti-héros, quoi. C'est-à-dire que je suis très curieux de voir le film qui a été fait. Vous n'avez pas vu le film de Lee Marston? Non, j'ai pas vu, justement, de voir comment porter un personnage qui est aussi, en tout cas physiquement et en termes de charisme, aussi fade, aussi anti-héros. Parce que ce qu'il fait est absolument monstrueux, ce qu'il fait est un exploit et une incarnation absolue du courage moderne pour moi aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas d'acte plus courageux que ce qu'il a fait aujourd'hui dans un monde comme le nôtre. Et en même temps, le personnage dégage absolument pas cette énergie chaude. Et en ce sens-là, il est l'incarnation de ce monde, quoi. C'est-à-dire qu'il dégage une énergie très froide, très glacée, qui donne pas forcément envie de le suivre ou d'être aimanté, en tout cas, dans sa personnalité et dans son approche et dans ses valeurs. Et pourtant, ce qu'il a porté et révélé est fondamental. Mais bon, on a les héros de nos époques, quoi. On a quelque chose d'extrêmement technoïde, d'extrêmement froid. Et voilà, c'est la figure. C'est pas Che Guevara, nous. Voilà, on est. C'est pas Fidel Castro. C'est pas. On n'a pas. C'est-à-dire eu, que c'est-à-dire que l'époque n'est plus à des personnages de cette envergure, de cette ampleur-là. L'époque est à l'anonymat. Moi, je pense que ça va revenir. Je pense vraiment que ça va revenir. J'ai l'impression qu'il va y avoir une inversion. C'est-à-dire que là, on a surfé sur une vague extrêmement technologique, extrêmement froide, où les personnages, effectivement, les héros sont des hackers, sont des gens qui, malheureusement, ont une dimension, en tout cas, ceux qui sont venus à notre connaissance ont une dimension, en tout cas, charismatique, je trouve, relativement fade et pâle. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir par conjuration, par retour, une réappropriation par des gens qui vont venir avec du charnel, avec quelque chose d'assez habité. Et même moi, j'ai l'impression que sur des phénomènes comme Trump, des choses comme ça, il y a une dimension purement physique dont on parle pas. On parle beaucoup de ces idées, de ces non-idées. On parle beaucoup de son surf identitaire, etc. Mais on parle pas de la dimension purement charismatique et purement physique de ce type de personnage qu'avait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, qu'avait des gens comme Bernard Tapie. C'est-à-dire des gens qui sont d'abord des animaux, quoi, qui sont porteurs d'énormément d'affect, quoi. Et dans une société très froide et très glacée, ces gens-là ont un avantage par rapport aux technocrates qui effectivement, comme Hillary Clinton, vont être en face d'eux, quoi. Donc, méfiance, parce que aujourd'hui, c'est plutôt des populistes qui ont utilisé ces affects-là. Mais moi, j'aurais envie que, voilà, à l'extrême gauche jaillissent des gens qui, à l'époque, il y avait les Georges Marchais et des gens comme ça. Moi, j'aime beaucoup Besancenot en termes d'être humain, mais il a peut-être pas cette dimension complètement physique, complètement charnelle. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre animal, de l'ordre affectif qu'on doit réamener dans le discours politique. On doit véhiculer de l'affect, on doit véhiculer de la poésie, on doit véhiculer des choses qui soient charnelles. Et malheureusement, on les véhicule plus, quoi. Et donc, du coup, c'est les populistes qui les véhiculent. Et ça, c'est très dommage. J'espère qu'à l'extrême gauche va jaillir des Cohn-Bendit de l'époque. Des Cohn-Bendit qui, dans les années 70, avait ce charisme naturel aussi, quoi. Pour conclure, et ce seront les mots de la fin, Alain Damasio, finalement, maintenant qu'on voit un peu quel est votre corpus littéraire, politique, idéologique, poétique aussi, est-ce qu'il n'y a pas une tentation dans la description que vous faites du monde et dans votre rapport à la littérature? Est-ce qu'il n'y a pas la tentation ou le risque, peut-être, vous allez me le dire, d'une forme de nouveau moralisme? Il y a toujours ce risque-là, surtout quand on est sur l'approche des technologies. Moi, j'aime bien l'idée qu'il faut être technocritique, c'est-à-dire mais technocritique au sens critique de la raison pure ou critique de la faculté de juger, c'est-à-dire une critique qui s'exerce vraiment sur le ce que la technologie peut apporter, peut ouvrir, peut enrichir. La technologie a été et est un extraordinaire moyen de développement de l'humain. Elle le reste. Mais simplement aujourd'hui, la technophilie qu'on nous amène, moi je trouve, a tendance à nous fermer le rapport au monde, à nous fermer le rapport aux autres, et à parfois à nous fermer notre propre rapport à nous-mêmes dans des logiques addictives et bouclées. Et je crois qu'on doit garder ce regard, d'avoir cette lame qui permet d'ouvrir la technologie, de se dire, ok, on m'amène cette technologie, elle m'amène du pouvoir. Évidemment, parce que la technologie est fondée sur l'accroissement de pouvoir. Mais moi, je dis toujours, est-ce qu'elle m'amène de la puissance, au sens vraiment de Spinoza, au sens de Nietzsche? C'est-à-dire, est-ce que ça accroît ma puissance de vivre? Est-ce que ça accroît ma puissance d'aller au bout de ce que je peux? Est-ce que ça accroît ma puissance d'imagination, de création, de ressenti, d'être affecté par des choses qui en valent la peine? Et du coup, je pense qu'il faut interroger cette puissance à chaque fois et de se dire, voilà, est-ce que la technologie, effectivement, est un accroissement de ma puissance? Parce qu'on sait qu'elle a un accroissement du pouvoir et qu'on ne doit pas se laisser enfermer par... juste ça, quoi. Mais vous répondez pas vraiment sur le nouveau moralisme. D'accord, ah ouais, ok. Eh ben oui. Merci beaucoup, en tout cas. Mille merci, Alain Damasio. Dans quelques secondes, le journal de 8h, on se retrouve samedi prochain à 7h pour la suite des meilleurs moments et des meilleures émissions de la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.